Soudain, une idée me vint, idée infernale, et qui me prouva que dans l'homme qui se croit le plus honnête dort la graine d'un scélérat. Toutes les faïences cassées se ressemblent. Avec ces tessons blancs et bleus, on pourrait peut-être, qui saurait. Mon plan déjà se dessinait. Réflexion faite, à tout hasard, je mis les tessons dans ma poche. Et le soir même, car je sais les cocottes exprès, le soir même, dans l'infâme auberge, profitant d'un moment où l'aubergiste tournait le dos, prestement, avec un sang-froid de bandit, je glissais sous ma houppelande la burette, depuis si longtemps et si cruellement tentatrice. Puis, toujours avec le même sang-froid, je jetais par terre à grand bruit ma provision de faïence cassée. « Sartibois, dis-je à l'aubergiste, je crois qu'en voulant le regarder trop près, je viens de mettre à 1000 pièces la burette qui était là. » Savez-vous ce que l'aubergiste, le même aubergiste qui avait obstinément refusé de me vendre sa burette, répondit? Baste, voilà déjà longtemps que je ne tenais à 4 pour ne pas la flanquer au fumier, cette anticaille. Après cela, conclut le docteur, on voudrait peut-être que j'ai du remords. Et l'œil, plein de la joie spéciale, qu'inspire toujours un crime heureux, le docteur exaudit, vénérable et les mains tremblantes, alla prendre sur l'étagère d'honneur, pour le mettre en belle lumière, l'inestimable portulier, complet maintenant, avec ses deux burettes, toutes deux, d'ailleurs à ce point pareil, que lui-même parfois ne les distinguait plus.